Alors que Clitandre demande à Bélise, la tante d'Henriette, son soutien dans son projet de mariage avec Henriette, Bélise imagine que cette demande de Clitandre n'est qu'un moyen détourné pour lui avouer qu'il aime elle, Bélise. Ariste convainc facilement son frère Chrysale d'accepter Clitandre pour gendre. Mais il faut obtenir la permission de Philaminte pour que le mariage ait lieu. Quand Martine, la servante, est mise à la porte parce qu'elle ne respecte pas la grammaire, dont le maître est alors Vaugelas, Chrysale n'a pas le courage de la défendre et lui enjoint lui-même de partir, et reste avec sa sœur Bélise et sa femme Philaminte.